Diable que je les aime, c'est certainement pas Dieu qui pourrait dire le contraire. Lorsqu'il est témoin de mes petites affaires, il doit prier fort, le vieux sage. Rien que de m'imaginer collé sur leur chemise, respirant à plein nez leur doux parfum de mal, j'ai l'enfer dans les veines et l'âme qui s'affole. Elle a fini de se battre, la vieille folle. Diable que je les aime, c'est certainement pas Dieu qui pourrait dire le contraire. Lorsqu'il est témoin mes petites affaires, il doit fermer les yeux, le vieux sage. Je ne me cache plus des gens que ça dérange, qu'ils me jettent leurs pierres si ça l'est. Et je plains même ces esprits vides qui pensent qu'aimer est stupide. Diable que je les aime, c'est certainement pas Dieu qui pourrait dire le contraire. Lorsqu'il est témoin de mes petites affaires, il doit baisser les bras, le vieux sage. Bercé sur l'oreiller, écoutant leurs secrets, d'une confidence à l'autre, me sentir plus femme. J'ai le feu dans le corps et mon âme raffole. N'ai jamais voulu d'auréole. Diable que je les aime, c'est certainement pas Dieu qui pourrait dire le contraire. Lorsqu'il est témoin de mes petites affaires, il doit sourire un peu, le vieux sage. Je...